disparaître. Je voudrais te manquer un peu. Je voudrais que tu me dises que je suis belle. Car aujourd'hui je ne sais plus. Car aujourd'hui je ne sais plus. Je ne sais derrière ta larme cachée. J'ai oublié la couleur de tes yeux. J'ai des traces d'arc-en-ciel dans le cœur. Mais rien ne va avec ma rose. Rien ne va avec ma rose. Je me dégage de tes bras avant. Je voulais m'enfuir avec toi maintenant. Je veux m'enfuir de toi. Je voudrais que tu parles plus bas. La lune ondule sur la toile. Parfois elle embrasse les étoiles. La route est seule et glisse devant moi. Elle va tomber derrière l'horizon. Je vais tomber derrière l'horizon. Bon, je voudrais que tu me rattrapes là-bas avant. Je voulais m'enfuir de toi maintenant. Je veux m'enfuir avec toi. Oui, je vais de nouveau parler plus bas. C'est bien normal, car avant.